Ik veronderstel dat er zijn vragen. J'imagine qu'il y a des questions. Bonjour, Alexandre Penaz de Kairospresse.be. Vous remerciez souvent les Belges pour leur participation et leur obéissance, leur civilité. Vous parlez également du fait qu'il y aura un avant et un après Covid-19. Alors je me demande vraiment s'il y aura un après Covid-19. Et je vais peut-être être un peu dérangeant. Là, je vais vous parler du fait que M. Philippe de Backer a travaillé de 2009 à 2011 chez Vesalius Biocapital. Et vous le choisissez comme responsable de la task force en charge de la recherche de matériaux indispensables pour lutter contre le coronavirus. Alors, Vesalius, c'est un fonds d'investissement spécialisé dans les soins de santé au Luxembourg. Première chose. Il faut savoir aussi que dans son cabinet média, comme ministre des médias, il y avait Luc Wijnmolders, qui travaille pour KPN et qui participe notamment à nous imposer la 5G, dont je ne vois pas beaucoup de principes de précaution dans votre gouvernement. Alors, on peut aussi parler de Bart Vermeulen, hein, responsable politique pharmaceutique au cabinet de Maggie de Bloch. Monsieur, je n'ai pas l'intention de vous interrompre, mais si vous avez l'intention de donner les CV de l'entièreté des gens qui travaillent... Pas du tout, il y a plus de 10 millions de Belges qui aimeraient bien savoir, qui prend des décisions pour nous. Je vous encourage à terminer votre question et j'y répondrai. Il était chef économiste chez Pharma.be. Et puis parlons aussi de Marc Van Rens, qui était au comité influençant en 2009 et qui avait été payé par la multinationale GSK. Donc ma question est, par rapport aux décisions que vous prenez maintenant, quelle légitimité démocratique y a-t-il à prendre ce genre de décision quand la plupart des membres qui décident et qui réfléchissent font partie des multinationales et de la finance? Je ne vois pas vraiment la différence qu'il y aura avec un avant et un après Covid. Peut-être qu'il y aura plus de 5G, peut-être aussi qu'on sera beaucoup plus surveillé et que ça rapportera énormément aux multinationales. Voilà, je crois que 10 millions de Belges aimeraient bien avoir une réponse à cette question et que la question aussi à se poser, c'est pas comment vos services de presse ont réussi à faire entrer un journaliste qui pose des vraies questions, mais pourquoi ces questions ne sont pas débattues démocratiquement. Merci. Peut-être une réponse introductive. Vous venez d'introduire dans cette salle de presse la question biaisée politiquement, ce qui en général n'est pas l'habitude des journalistes. Soit. Je rappellerai quand même que les gens sont libres de travailler, les gens sont libres de changer de carrière, les gens sont libres de décider de s'engager pour le bien commun, peu importe ce qu'ils ont fait avant, et je peux vous garantir que ce n'est pas la société pour laquelle vous travaillez qui définit l'homme ou la femme que vous êtes. C'est en tout cas la liberté fondamentale dans laquelle on prend compte dans ce pays, bien heureusement. Je rappellerai dès lors, pour sortir de la polémique, le processus décisionnel dans lequel nous sommes inscrits, à savoir des groupes d'experts qui, de par leur connaissance, de par leur expérience, de par le volant... Quand le soleil se lèvera dans notre système à nous, avec un peu d'amour dans les outrages, et qui n'en finissent plus de nous outrager depuis des millions et des millions d'années, quand tous ceux à qui je pense, à qui vous pensez aussi, quand ces autoritaires, à la voix béante et aux chagrins absents, quand ils croiront se lever dans la vertu du quotidien, avec un peu d'horreur dans l'écriture et dans le parler bref, quand tout cela seront actifs, présents, indubitables, alors nous leur ferons manger le destin, le leur, avec un menu de guerre, bien entendu, de notre guerre. Alors nous les ferons danser à notre manière, avec des batteries somptières, généreuses, précises, avec des voix de l'autre univers. Alors, le pouvoir fera sous lui. Micro ouvert. J'ai trouvé le gars qui a réussi à rentrer dans le bunker, c'est comme ça qu'on dit, hein, dans le bunker gouvernemental. Là. Non, c'est pas comme ça. C'est le bunker, tout à fait. Et j'ai trouvé le gars qui a fait parler de lui, en tout cas. Alors, j'ai trouvé le gars, mais qui a aussi... moi, en fait, quand voilà, je suis en face d'Alexandre Penaz, donc on s'est déjà rencontrés, on s'est déjà vus. Voilà, ton journal est génial. Voilà, ouais, je le dis. Hein. En tout cas, j'aime bien. Et quand j'ai entendu qu'Alexandre Penaz était rentré pour poser sa question, parce que c'est ça aussi qui est l'enjeu, hein. On s'en fout que ce soit Alexandre Penaz ou... Mais je dis, ah, il a quand même réussi à rentrer dans ce bazar pour poser sa question. Voilà. Et moi, ce qui m'a étonnée, d'abord, j'ai trouvé ça génial que tu aies réussi à rentrer et que tu te confrontes voilà, à ces imbéciles en sachant bien que c'est pas... forcément de cette manière-là que les choses peuvent changer. Hein. T'es d'accord ? Mais t'avais quand même réussi à rentrer et je trouvais ça génial. Après, moi, j'ai été super impressionnée de comment les gens qu'on dit de gauche, progressistes ou alors, tu vois, qui ont comme ça une vision autre que je sais pas comment dire, que capitaliste ou que je sais pas, la pensée dominante, tu crois qu'ils sont vraiment des alternatives comme ça. En fait, pas du tout. Ils t'ont rentré dans l'art. Ça a été un truc de fou, quoi. Et il y a même, je pense, des gens qui ne te connaissaient pas, qui ont répété comme ça en chaîne. J'ai trouvé ça énorme, quoi. Est-ce que toi, tu peux un peu expliquer ce qui s'est passé ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après ma question, il y a pas mal de médias mainstream qui m'ont traité de complotiste, qui ont parlé d'une question déplacée, d'un malaise. Donc c'est les mots qu'ils ont utilisés pour décrire ma question étaient toujours une description de la forme, de la manière dont j'ai posé. Tout ça pour, en fin de compte, on va l'analyser dans le prochain Kairos de juin, tout ça pour, en fin de compte, éluder la question du fond. Alors même si j'ai peut-être un peu posé la question qu'elle était longue et tout, et blablabla, et blablabla, c'est pas ça l'intérêt. Je n'allais pas là pour poser une question parfaite. Hein. Est-ce que ça existe ? Il y a même un journaliste qui a dit au vif, et on est en train de lui répondre aussi, ça va sortir sur le site, il a posé la bonne question au mauvais endroit. C'est fantastique. Ça veut dire qu'on est dans une instance soi-disant démocratique, mais on ne peut pas poser des questions démocratiques qui concernent les gens. Et donc, pourquoi j'ai introduit ça par rapport aux médias genre Sud Presse, 7 sur 7, RTL, TVI, qui m'a traité de complotiste, et les autres, ça je vais en revenir après, qui ont une autre réaction, mais qui est très intéressante aussi. Et les autres. RTBF, par exemple, et La Libre et Le Soir, qui ne parlent pas du tout de moi. Donc j'ai fait une analyse. Il y a trois types de médias. Ceux qui ne parlent pas du tout de moi, ceux qui me traitent de complotiste, c'est-à-dire ceux qui font semblant de rien, et ceux comme Le Vif, qui font semblant de débattre, mais qui, au fait, remettent des articles totalement fades et, de nouveau, éludent le fond. Et donc, les trois types de médias éludent toujours la question que je pose, c'est-à-dire celle des intérêts privés dans des gouvernements qui sont censés nous représenter. Bon, moi, je sais très bien qu'ils ne nous représentent plus. Et pourquoi je parle de ça ? C'est parce que la manière dont ces médias ont éludé le fond, les critiques, soi-disant, de gauche que tu as introduit dans ta question, font la même chose. Donc, en me traitant de pro-Bachar, de transphobe, d'antisémite, de sexiste et des choses comme ça, sans justifier du tout leur propos, hein, parce qu'il y a des gens qui ont été sur les réseaux sociaux pour répondre et pour me défendre, c'est-à-dire pour défendre Kairos aussi. Ils disaient les faits, les arguments, il n'y en avait jamais. J'ai entendu que. Donc, en fin de compte, ces gens qui se disent soi-disant de gauche... arrive au même effet que les médias mainstream de droite qui appartiennent au pouvoir, c'est-à-dire ne pas poser la question du fond du problème, quoi. Dans quelle société sommes-nous ? Comment sortir de cette société totalement absurde ? Et comment redonner le pouvoir aux citoyens ? Et alors pourquoi je crois qu'ils font le même problème ? Parce que, et Olivier Moukouna qui a fait une interview de moi m'avait posé la question, mais si tu crois que tu n'avais pas fait ces articles sur la Syrie, etc., etc., ils t'auraient défendu ? Eh bien non. Je pense qu'ils auraient cherché autre chose. Ils auraient cherché, je ne sais pas moi, dans mon CV, si je n'ai pas un jour été au Mexique faire une expérience de chamanisme ou un truc comme ça. Mais pourquoi ? Parce que je pense qu'au fond, ils ne sont pas du tout anticapitalistes. Ils ont intégré une forme de refus de certains... manifestations de cette société, genre l'autoritarisme, par exemple, où ils ont raison, tout à fait, hein. Mais le refus de l'illimitation, c'est-à-dire d'une société qui se refuse des limites, ça, ils ne sont pas du tout là-dedans. Donc le fait qu'on est dans une société capitaliste qui fait qu'on doit toujours jouir plus, jouir sans fin et profiter de tout, notamment modifier nos corps comme on leur a envie, faire pousser des enfants dans des ventres en Inde par des femmes exploitées. Ben ça, dès qu'on touche à ça, on touche à une forme de liberté, de jouissance individuelle, et ça, ils ne veulent pas l'entendre. Et donc, pour moi, ils sont dans une forme de... Oui, c'est une forme de capitalisme néolibéral et d'une nouvelle économie subjective propre à cette société du toujours plus. Et donc, c'est devenu, ce genre de personnes sont devenues nos pires ennemis aussi. Sauf, bon, il y a celles qui suivent parce qu'elles ont peur, hein, oui, évidemment. Bah, oui. Mais c'est ça que je voulais dire, dans toute cette panoplie de gens, il y a des gens peut-être comme tu dis là, et puis il y a des gens qui ont bêtement répété, oui, ce type est malsain, parce que paraît-il, il est ceci, cela, mais sans aller vérifier, sans prendre le temps de qui tu es. Et là, ça, je trouve aussi tout à fait énorme, quoi. Oui, mais c'est Orwell qui le disait, et Michéa, Jean-Claude Michéa qui l'a dit après lui. Bientôt, on ne pourra plus lire quelqu'un ou écouter quelqu'un sans savoir d'où il vient et avoir son CV complet. On est de plus en plus dans une société où pour considérer qu'un écrit ou un texte lu, n'importe quoi, une pièce de théâtre, est intéressante, il faut savoir toute l'histoire de celui qui la lit, qui l'écrit ou qui l'a dit. Et c'est fantastique, parce que c'est pas ça, penser. Penser, c'est quand même aussi penser ce qui est dit, penser les mots, même si c'est intéressant de savoir aussi qui l'a dit et quel est son pédigré. Par exemple, quand on fait un journal public comme Kairos, il y a des trucs qu'on ne va pas sortir. Par exemple, un mouvement d'extrême droite qui tiendrait des propos intéressants, même ça, hein, ce que je dis là, ça va être choquant. Parce que, évidemment, que des gens d'extrême droite peuvent avoir des propos intéressants. Un mouvement d'extrême droite qui tiendrait un propos intéressant ou qui ferait une vidéo intéressante, on va pas le passer sur le site parce que ça va ne pas être compris et ça va peut-être donner de l'eau au moulin à ces sites-là qui nous intéressent pas et qui eux justement tiennent des propos comme ça pour attirer le chaland, et donc on va pas le faire. Mais sinon, à part ça, quand on lit un livre, je vois pas toujours l'intérêt de savoir. Maintenant, on googlise, hein, tu sais, c'est ça la nouvelle mode. On googlise. Donc, avant de lire quelque chose, la mode des jeunes et même des plus âgés, mais la vingtaine, c'est d'aller d'abord voir qui est le personnage qui parle. Mais là, je trouve que on s'égare un peu. Ouais. Je trouve que tu vois, c'est très, on s'égare un peu parce que c'est toujours l'œuvre, l'artiste, hein, on en est là aussi, avec tout ce qui se passe. Bon, moi, j'avoue que j'aime bien les personnes intègres. Bon, bah, on essaye aussi de l'être pour soi-même, évidemment, parce qu'entre les contradictions, déjà toutes nos contradictions, là, on s'échappe un peu, je trouve. Moi, ce que je trouvais intéressant, essayons de bien comprendre, c'est des gens ne te connaissent pas. C'est comme aujourd'hui mettre un masque. On nous dit de mettre un masque, on met un masque. On dit que Alexandre Penas, il avait une question géniale. Il a réussi à poser sa question géniale à ses guignols, là. C'est qui ce garçon? On s'en fout. Sa question était géniale. Ce type est un journaliste, il a fait son métier, basta. Et après, on est rentré dans autre chose, où limite on te critique, mais alors on ne peut pas te critiquer comme ça d'un coup. Il faut apprendre, il faut alors lire ce que tu as écrit, il faut alors... Tu te comprends ce que je veux dire? Oui, mais d'ailleurs la question intéressante, c'est qu'aurait-il fait s'ils n'avaient pas su mon nom? Qu'est-ce que ces gens auraient fait avec cette question s'ils n'avaient pas su mon nom? D'ailleurs, j'ai failli y aller. C'est mon frère qui m'a dit avant de partir, parce que moi, je suis un nul en com, quoi. Donc, il m'a dit, n'oublie pas de dire le nom du journal quand tu poses ta question, après, et ton nom. Sinon, je ne le disais pas. Donc, moi, j'ai été pour poser une question. Je n'ai pas été pour faire comme des cons disent sur le net, pour faire un buzz. Ça aurait été génial, par exemple, que tu dises pas ton nom et que tu cites pas le journal. On aurait tous dit, c'est qui ce type, quoi? Ça aurait été génial. En même temps, ça aurait été génial, mais en même temps... tu dois savoir, et tu le sais pour connaître les médias alternatifs, que c'est aussi un beau coup pour faire connaître le journal et le reste, tout ce qu'on fait. Et donc là, en deux semaines, on a presque triplé les abonnements papier, quoi. On est passé d'une 500aine d'abonnements, on est presque à 1200, 1300. Les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on était à 4000, on est à 12000, donc... On cherche pas à être gros, grand, mais on cherche quand même à ce que nos idées soient diffusées. Et le seul moyen de les diffuser, c'est par des méthodes... J'y ai pas pensé en y allant, mais c'est par des moyens comme ça. Parce que, évidemment, pour les médias, et ça c'est excellent, qui parlent de nous maintenant, les médias mainstream, c'est parce qu'ils sont obligés, parce que ça, sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé. Sinon, d'habitude, on est inexistant pour eux. Mais donc voilà, je reviens sur le fait que la question... Donc, ils se sont dit, tiens, ce type, Alexandre Penas, ils vont sur Internet, ils trouvent des trucs, des critiques, et ils répètent tous, comme des perroquets, comme des gramophones, comme disait Orwell, hein, ils répètent, et sans essayer de creuser, ils répètent un peu comme tout le monde est en train d'obéir comme un chien-chien actuellement. On met tous un masque et on ne parle surtout pas de ceux qui disent que peut-être que le Covid, c'est autre chose que ça, qu'il y a d'autres choses qui se passent et qu'on aurait pu faire autrement, tout simplement. Oui, et que ta question, à la base, te connaissant ou te connaissant pas, génial, il y a un journaliste qui pose la question... qui pose la question, qui n'a pas eu de réponse, évidemment. Je ne sais pas si tu attendais... Non, mais voilà. Alors, il y a deux choses. D'abord, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est une perspective en abîme, donc c'est extraordinaire. C'est qu'une question normale que devraient poser tous les journalistes, elle devient un buzz, elle devient extraordinaire. Ça montre bien qu'on est dans une société où la liberté d'expression, en tout cas journalistique, n'existe plus. Ça, c'est déjà extraordinaire. Alors, les imbéciles qui vont croire que j'attendais une réponse, mais non. Comme si j'allais penser que Will Mess allait me dire... Tout à coup, comme dit un journaliste du Vif, il dit, mais est-ce que Monsieur Ponas, mais il me cite même pas, est-ce que le journaliste de Kairos pensait que Will Mess allait lui dire oui, je suis un rouage inconscient du capitalisme. Mais non, mais je veux dire, qu'il aille lire ce que fait Kairos. Évidemment qu'on pensait pas ça. On l'a fait pour que les gens comprennent à un moment de direct où il y a des centaines de milliers de personnes, si pas des millions, qui écoutent, qui comprennent à ce moment-là que on ne peut pas poser des questions à ces gens, qu'ils ne répondront pas. Et qui n'en ont strictement rien à foutre des citoyens. Ça, c'est mon avis, j'en suis persuadé. Et c'est ça que les gens se sont rendus compte. Mais on n'attendait pas. C'était une stratégie journalistique. Voilà. Et rien de plus. Mais qui en elle-même montre le spectacle, pour parler de Guy Debord, dans lequel on est. C'est vraiment du cinéma, quoi. Et donc la suite que j'expliquerai après continue, je dis. Ils ne veulent plus qu'on casse leur spectacle. D'ailleurs, si on voit la conférence de presse du 15 avril, le malaise de Will Mess et ses copains, et qu'on voit la conférence de presse du 24 avril, où elle sait qu'il n'y a personne qui va la déranger dans la salle, où un journaliste, en fin de conférence de presse, lui dit « Madame Will Mess, après lui avoir posé une question sur la fête des mères, « Madame Will Mess, j'ai encore trois petites questions », et qu'elle lui dit « Mais oui, vous m'avez pris par les sentiments avec la fête des mères », et qu'il lui pose trois questions, alors que moi, quand j'ai voulu poser ma deuxième question le 15 avril, elle a tout fait pour que je la pose pas. On le voit dans la vidéo, elle cherche d'autres journalistes pour poser la question. Donc il y a une connivence journalistique que j'ai réalisée. Je la connaissais, mais je l'ai vécue ce jour-là. Je l'ai revécue le 24 avril avec une arrogance, une morgue des journalistes. Un journaliste de RTL TVI qui tape sur ma caméra. Avec après ça, et bon, on va en parler, l'AJP qui me dit que je dois changer mon attitude lors des... Dans l'AJP, donc le syndicat, sans aucune preuve, reçoit des... Donc le syndicat des journalistes reçoit des preuves d'RTL TVI, et la secrétaire générale vient me dire dans un mail, sans aucune confirmation, sans m'avoir demandé ce qui s'est passé, vient me dire que je devrais changer mon attitude parce qu'il y a eu des plaintes. Alors que dans la vidéo, on voit très bien le journaliste qui tape sur ma caméra. Le caméraman d'RTL tape sur ma caméra pour que j'arrête. Donc il y a vraiment, il y a un spectacle, un jeu, une connivence. Quand le ministre-président Géolet, Pierre-Yves Géolet arrive, il ne me reconnaît pas, il vient vers moi d'abord, il est prêt, et quand il entend ma question, il cherche un type d'RTL, quoi. Il cherche un gars de l'RTBF qui... Allez, viens faire ton spectacle, viens me poser la question, et de temps en temps faire semblant de me titiller. Bon, là, il n'y a même pas, mais c'est du jeu permanent. Et voilà, je n'ai pas la prétention de dire que je l'ai montré, hein. La critique des médias en France l'a énormément montré. Tout ça, c'est du spectacle. C'est pour ça aussi qu'on ne répond maintenant qu'à des journalistes, des vrais journalistes alternatifs, comme toi, comme d'autres, même ceux qui n'ont pas le... On ne cherche pas quelqu'un qui a le diplôme. Hein. Moi, ma formation, c'est psychologie sociale à la base. Mais on ne va pas vers la presse de masse. On a eu 7 sur 7 uniquement qui nous a contactés. Et moi, j'ai cadré, j'ai dit oui, à la limite, on veut bien. Mais alors, si vous nous envoyez une vidéo filmée par Skype et qu'on la revoit et qu'elle nous convient, vous passez tout ce qu'on a vu. J'ai plus jamais de nouvelles. Ah, génial. Non, j'ai plus jamais de nouvelles. Évidemment. Ils font croire, mais faites-moi confiance. J'ai encore le mail, je suis une journaliste qui fait mon travail. Mais je lui dis, oui, mais alors, il faut des conditions. Mais là, je ne peux pas vous promettre parce qu'il faut un truc, je sais pas comment elle a dit, il faut un truc vivant, je crois qu'elle a mis. Donc, on ne peut pas faire un truc long. Donc, ils veulent faire des trucs en 4 minutes. À la limite, si on fait un truc bien en 4 minutes, ok, mais bah alors vous coupez plus après. Elle ne m'a plus répondu. Elle ne m'a plus répondu. Bah donc avec toute cette histoire, ce qu'on peut voir, c'est que tu rappelles, parce que c'est pas depuis aujourd'hui, hein, les journalistes, ceux qui sont vraiment dérangeants, bah on les éjecte ou alors on crée polémique. Et c'est ce que tu rappelles aussi, c'est que poser des vraies questions avec le pouvoir, ben c'est pas évident, quoi. Ouais, ils passent en fait leur temps. Ouais, je crois qu'on est vraiment dans une. D'ailleurs, le Covid, c'est autant une crise médiatique que sanitaire. En fait, ils passent leur temps à se justifier. Ils essayent surtout que les informations qui les dérangeaient ne filtrent pas. Tu parles de qui là? Des journalistes, mais par exemple, Dorian Demus, rédacteur en chef de La Libre, a fait un post Twitter où il m'insulte quasiment, où il dit qu'il faudrait me retirer ma carte de presse, en tout cas, il l'insinue. Alors c'est génial. Dorian Demeus, il y a 2 ans, il a mis en place avec la rédaction de La Libre un système de censure pour boycotter Financité, un trimestriel qui était encarté dans La Libre. Ça a été quelque chose qui a été. Julien Collinet, le rédacteur en chef de Financité, me l'a dit. On a des outils pour voir quand on envoie un communiqué de presse. Donc Julien Collinet de Financité a envoyé un communiqué de presse pour dire qu'ils étaient censurés par La Libre et que La Libre arrêtait la collaboration de 12 années avec ce journal parce que, qu'il y avait des contenus, notamment sur les riches, une critique des riches qui ne leur plaisait pas. Il a envoyé ce communiqué de presse pour annoncer la censure de La Libre. Il n'a jamais eu en 12 années un communiqué de presse qui a été autant ouvert par les rédactions. Parce qu'on sait voir quand tu envoies. Mais c'est le communiqué de presse qui était le moins partagé. Donc c'est fantastique. Cet événement, il est génial parce que ça veut dire que plein de gens savent, plein de gens ont envie de savoir, mais que quand ils savent qu'un média comme La Libre Belgique a censuré odieusement un petit journal parce qu'il y avait parce qu'il voulait passer une brève où il y avait la banque De Groof Petercam qui était citée pour son investissement dans l'armement nucléaire, mais que dans le conseil d'administration de la banque De Groof Petercam, il y avait Alain Science, qui était aussi dans le conseil d'administration d'IPM, qui édite La Libre. On a dit non, enlève cette brève. Quand dans le courrier des lecteurs, il y a des gens qui ont dit la différence de revenus, les richesses scandaleuses, c'est ignoble, on n'en veut plus, on a demandé au rédacteur en chef d'enlever ce courrier des lecteurs. Donc tout ce qu'ils veulent, c'est de faire croire. Ce que Will Mess a répondu à Jérôme Collin de la RTBF à quand même sa lecture, qui était quand même courageuse et intéressante, c'est de faire croire nous sommes unis, comme pour les attentats terroristes, nous sommes unis, nous sommes belges, nous sommes ensemble. Mais non, on n'est pas du tout unis. Quand tu dis ça, enfin, ce qu'ils disent là, nous sommes unis quoi, avec le peuple, c'est ça? Nous sommes unis. Nous sommes tous des Belges unis contre le Covid, unis contre le terrorisme. Il y a toujours un truc qui nous unit, mais non, mais on n'est pas du tout unis. On ne peut pas être unis dans une société capitaliste basée sur la concurrence, l'exploitation de l'autre et la misère structurelle. Je veux dire, il faut ne pas connaître ce monde et ne pas avoir travaillé 5 ans dans une école comme j'ai fait à Molenbeek avec des gosses qui sont dans des structures institutionnelles racistes, je veux dire, avec des enseignants racistes. Alors, je ne jette pas la pierre à tous les enseignants, il y a des bons, hein, de nouveau. C'est comme les journalistes, mais ça, tu le dis de toute façon, hein, il y a des journalistes, et ça, c'est vrai qu'on souligne souvent, voilà, qu'ils font pas leur métier. Mais t'as plein, c'est quelqu'un qui m'avait fait cette remarque-là. Il y a plein de docus avec des journalistes qui se mouillent, qui nous montrent, qui font de l'investigation, qui nous montrent certaines choses aussi, quoi. Oui. Alors quand j'ai terminé à la conférence de presse en disant ce qui est intéressant ici, c'est pas de savoir comment votre service de sécurité, votre service de com a réussi à me faire rentrer. Évidemment, je titillais Will Mess et ses copains parce que c'est ça qu'ils allaient se demander après, hein, et où ils allaient travailler énormément ensemble pour savoir comment ça s'est dépassé. Mais c'est de savoir pourquoi on ne pose jamais ce genre de questions dans des lieux comme ça et pourquoi vous y répondez pas. Et voilà, elle n'y a pas répondu. Et maintenant, en même temps, on sait que c'est les bons journalistes ne pourront pas rentrer dans ces conférences de presse. Ils sont ailleurs ou bien ils s'autocensurent, ou bien ils souffrent, ou bien c'est des pigistes qui doivent payer leur loyer. Et donc, à un moment donné, voilà, on est dans un système qui a déjà été très bien décrit par Alain Cardo, dans le journaliste précaire, le journaliste quotidien, mais par aussi Bourdieu, par Halimi, par Acrimed en France. On est dans un système où on ne peut pas jeter la pierre aux journalistes de médias mainstream. Il faut attaquer leur représentant qui reste à la Béatrice Delvaux ou l'autre ancien éditorialiste en chef de La Libre. Ces gens-là, il ne faut pas les louper. Mais les petits journalistes qui ont dur, je ne leur jette pas la pierre, mais merde, à un moment donné, il faut se coaliser. On sait qu'à la RTBF, par exemple, il y en a plein qui sont dégoûtés, quoi. C'est très bien, à un moment donné, Allez, je dirais, c'est presque humain, à un moment donné, de ne rien faire. Mais jusqu'à quand, quoi? Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où on devient un salaud, ou bien on déprime, ou bien on se suicide. Donc, je veux dire, c'est comme ça pour tout. À un moment donné, il faut bouger, quoi. Il faut faire quelque chose, il faut s'unir. Et refuser que, par exemple, la RTBF devienne une poubelle médiatique, quoi. Je veux dire, la RTBF, il n'y a plus rien de bon, quasiment. Quasiment plus rien de bon, quoi. Alors qu'on pourrait en faire une super chaîne. Mais bon, elle est de nouveau soumise aux intérêts de politique avec un conseil d'administration où le PS et le MR se partagent les postes. Voilà, on est vraiment, vraiment, en creusant, nous, à Kairos, on s'en rend compte, on est vraiment dans une oligarchie, quoi. Vraiment. Et je rebondis sur le fait qu'il faut s'unir. C'est vrai. Mais quand tu vois ce qui s'est passé avec ton spectacle, on n'est pas unis, quoi. Même ceux que tu pensais être avec toi sont contre toi, en fait. Et, oui. Non, mais certains l'avaient dit. Hein. Je crois que c'est Goertz qui avait dit le fascisme reviendra par la gauche, quoi. C'est pas étonnant. Hein. Il faut peut-être penser à s'unir à d'autres gens qu'une gauche bien pensante, institutionnelle. Et peut-être qu'il faut s'unir plus avec des gilets jaunes, des gens du peuple, tant que c'est encore possible. Mais bon, on y croit sans y croire. Hein. Et du coup, j'avais envie, puisqu'on a le temps là, il reste un peu plus de 20 minutes. Parlons de ce journal Kairos. Et du coup, moi aussi, ma pensée a un peu évolué. Ça bouge, quoi. Heureusement, elle n'est pas figée. Journal anti-productiviste. Ça veut dire quoi, au fond, quoi? Parce que tu expliques aussi dans ta critique vis-à-vis des gens qui te critiquent, que ce sont des gens... tu parlais de pas, d'aucune limite, quoi. Tu parlais ça au début, hein, ouais. Tu analysais ces gens-là en disant « oui, mais ces gens... Donc voilà, j'avais envie de te poser cette question. Comment tu vois comment la bande de Kairos, bon là, évidemment, c'est toi que j'ai en face, comment vous voyez le monde? Il y a un peu tous les âges à Kairos, mais il y a pas mal de gens d'une cinquantaine, 60, 70 ans qui ont une vision très claire de ce qu'est la décroissance et théorique. Il y en a qui pourraient très bien t'en parler mieux que moi. Qui, par exemple, de votre bande ou bien? Oui, il y en a qui sont d'une POC, Mouvement politique des objecteurs de croissance. Donc Bernard Legros, Alain Adrian, sont beaucoup, beaucoup creusé la question de la décroissance. Mais moi, je peux dire simplement... l'antiproductivisme, c'est tout simplement une critique. Moi, j'aime mieux antiproductivisme que décroissance, ouais, parce que décroissance, j'ai déjà rencontré plein de gens, mais ils sont des fois à la masse, excuse-moi, quoi, dans leur manière de compter. Non, ils sont à la masse. Il y a certains, ils sont à la masse. C'est pour ça que c'est plus chouette. En plus, ça nomme bien les choses, quoi. Oui, moi, je préfère, et c'est plus englobant, l'antiproductivisme. Ça touche plus à tout, même si la décroissance et le mouvement de la décroissance ont produit énormément de contenu intéressant et qu'il y a des gens quand même, très intéressants. Mais l'antiproductivisme, c'est assez simple. C'est que une société qui mise tout sur la production de biens matériels, de biens marchands, toujours plus grande, toujours plus croissante, et donc... un travail pour, en grande partie, produire ces biens marchands, et donc un extractivisme sans fin, hein, sans fin, comme on dit simplement toujours, on n'a qu'une terre, n'est pas possible. Un système comme ça est impossible. Alors, quelle solution? Pas de solution clé sur porte, mais déjà, un discours... à un moment donné, seule la vérité est révolutionnaire. Hein. Il faut que ce discours percole, quoi. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais quel discours? Que celui que je viens de dire, sur le fait qu'une société illimitée, prenons l'exemple de la 5G... Oui, qu'il y a des limites, qu'il y a une fin, que ça s'arrête, voilà. Que c'est pas inépuisable. Ouais, mais au fait, le refus de la fin de cette civilisation société capitaliste est une projection de refus de la fin individuelle, au fait. D'ailleurs, on voit des liens entre le transhumanisme et le refus de la mort, et le refus de la fin du capitalisme, au fait. C'est tout à fait lié, le refus des limites, le refus des limites propres à notre nature. Et donc, à un moment, ce discours doit être tenu, mais il va jamais être tenu dans les médias mainstream qui appartiennent, faut-il le rappeler, à ceux qui tirent profit de la croissance. Quand on voit que, par exemple, l'université de Louvain s'associe avec le Vifl Express, donc l'université de Louvain qui a quand même des liens très très louches avec la fondation Gates, est même connue, elle reçoit énormément de pognon, la fondation Gates, et... Ah ouais, vraiment ? Ouais, ouais. Et le Vifl Express qui appartient à une des plus grosses fortunes belges, ça nous fait rire, quoi. Eux vont nous informer sur le Covid. On peut se poser la question, la peur va être productive, puisque quand les gens ont peur, plus on a peur, plus on va accepter le vaccin, quoi. Là, ils sont en train de travailler sur des systèmes pour nous inoculer le vaccin et vérifier vraiment si on l'a pris, parce qu'on sait maintenant, actuellement, qu'il y a des médecins qui acceptent de refuser certains vaccins. De nouveau, hein, on n'est pas anti-vaccin, hein, parce qu'on va nous dire « vous êtes anti-vaccin ». Vous êtes... Non, mais il y a certains vaccins dont on... La France est passée de un vaccin ou deux obligatoires à 11 tout d'un coup. On a découvert qu'il y avait des liens entre certaines politiques qui étaient là avant et puis qui sont passées dans des entreprises pharmaceutiques. Ah tiens, bizarre. On passe de 1 à 11 tout à coup. Donc il faut questionner ça. Mais Alexandre, excuse, hein, c'est parce que le temps avance. Non, mais moi, j'avais plus envie, du coup, aussi, comment est-ce que tu vois vraiment une société? Je sais que ça n'existe pas clé sur porte, mais pourquoi on capte? Mais quoi alors, les gens qui se disent anti-productivistes, mais quoi alors, c'est un monde comment alors? Comment ça se passe, quoi? On arrête toute l'industrie? Comment ça se passe concrètement, quoi? On est un peu dans le concret. C'est parce que moi, je me suis vraiment intéressée à ces questions-là. Parce qu'on parle aussi d'économie verte. Hein. Ça, c'est la solution, clé sur porte. Maintenant, on a trouvé la solution. Ce qu'on va faire, c'est une économie verte. Mais ça n'existe pas. Non, c'est du baratin. C'est du capitalisme vert, oui, ça. Mais... Voilà. Il y a beaucoup de solutions et, comme tu dis, beaucoup de choses qui ont été écrites et qui doivent se mettre en place progressivement. Donc, comment fait-on pour moins produire quand on sait qu'on est dans un système qui, par exemple, doit produire des voitures pour continuer à fonctionner? C'est-à-dire, il faut sortir de ça. Mais de nouveau, le problème, c'est que c'est tellement compliqué, tellement large. Comment fait-on maintenant pour, par exemple, collectiviser les voitures individuelles? Comment fait-on dans une rue, comme ici, chez moi? Quand chaque personne ici, la plupart des gens ont une ou deux voitures, sauf nous, on n'en a aucune, mais qu'on demande de mettre un parking pour vélo. Et je vais peut-être décevoir par ma réponse, hein, parce que la solution est vraiment compliquée, et on se demande, on est vraiment dans un pessimisme de la raison, un optimisme de la volonté, on voyage entre les deux. Et donc, je crois qu'il faut passer par une force politique. Il faut peut-être, mais j'en suis pas sûr non plus, reprendre le pouvoir politique pour changer les règles du jeu et que ce ne soit plus les politiques qui décident et qui mettent en place des systèmes de croissance. Quand on sait que les avions, là, vont bénéficier d'aides de millions, de centaines de millions d'euros de nos poches. Donc je crois qu'il faut reprendre... La seule solution, c'est une révolte populaire, une reprise en main du pouvoir. Et là, à ce moment-là, on réfléchit. On ne produit plus des voitures comme ça, les vols en avion pour aller faire des low cost, on fait les transports non polluants ou moins polluants beaucoup moins chers. Quand on sait que, par exemple, pour aller je vais souvent en Slovaquie, par exemple, ma femme est slovaque, on va en train, ça nous coûte plus cher, mais c'est parce que plus cher que l'avion, mais c'est aussi parce qu'on est de la classe moyenne qu'on peut se le permettre. Mais d'autres personnes, comment elles font pour payer ça? Donc il faut vraiment changer de logique, réfléchir ensemble, faire des groupes et aussi relocaliser les choses. Une démocratie à 10 millions, c'est vachement compliqué, quoi. Ici, par exemple, on pourrait faire des vraies communes, quoi, à Bruxelles, des vraies communes avec leur propre pouvoir de décision. Mais quand on sait, ici, il faut savoir que c'est des écolos, quoi. On a fait des interpellations citoyennes contre la 5G, contre la publicité en rue. Leur réponse était médiocre parce qu'ils dépendent de niveaux de pouvoir supérieurs où ils ont des intérêts. Oui, il faut démanteler les partis politiques aussi, évidemment. Comme disait Simone Veil, les partis politiques, c'est vraiment, c'est nauséabond, quoi. C'est des petits arrangements entre amis. Donc voilà, je pourrais en sortir plein comme ça, mais il faut se mettre ensemble et faire une sorte de manifeste, quoi, et dire quelque chose qui. Et aussi, bon, je pense évidemment que le média est un outil essentiel, quoi, pour conscientiser les gens. Mais il n'y a pas de « mais non, on va faire ça, mais non ». Voilà, je reviens sur la rue ici. Quand nous, on a demandé de pouvoir avoir un espace pour mettre nos vélos sur un trottoir, ils ont été achetés avec l'IBGE des boîtes, des box vélos à 5000 euros la pièce, où tu devais payer 50 euros. Ils ont été les mettre sur le trottoir, donc ils ont encore enlevé de l'espace aux piétons. Parce que la voiture, elle est reine. Et je fais une parenthèse sur tout d'un coup, les gouvernements s'intéressent à notre santé. Mais ils n'en ont rien à foutre de notre santé. Depuis toujours, il y a des millions de personnes qui meurent en Europe à cause de la pollution de l'air. Combien de gens ne sont pas morts grâce aux accidents de voiture qu'on a évités là pour l'instant ? Dire moi, mes gosses, 11 ans, 7 ans, ne vont pas à l'école à pied parce que pour l'instant, je flippe à cause des voitures, quoi. L'air est pur depuis le mois de mars, on n'a jamais eu ça. Le ciel est d'un bleu azur, c'est fantastique. Voilà, la malbouffe, Ça, c'est parce qu'il fait beau, hein. Faut pas tout mélanger non plus. Mais en tout cas, il n'y a pas de traces d'avion. Et voilà, on sait très bien que les multinationales de la malbouffe nous vendent de la merde. Et le gouvernement, les politiques n'en font rien parce qu'elles sont liées aussi à ça. Voilà, on sait que les gens, l'immunité des gens qui sont obèses, qui ne font pas d'exercice, qui sont sédentaires, tous ces gens-là qui bouffent mal, qui sont bourrés de pesticides en eux. Qui le savent pas. Qui ne le savent pas. Qui ne veulent pas le savoir. Qui ne veulent pas le savoir. Eh bien, c'est des clients parfaits pour le Covid-19. Parfaits. Qui a entendu quelqu'un du gouvernement dire ça ? À part nous parler de masques qu'il n'y a pas, sans nous obliger à les mettre, on ne sait rien. On est vraiment dans une cacophonie. Et donc, je reviens sur l'idée qu'on est dans une crise. On est dans une crise médiatique, presque plus qu'une crise sanitaire. Parce que si on avait eu des médias qui nous informaient, qui nous permettaient de réfléchir dès le départ, peut-être qu'on aurait pris des décisions où ce Covid aurait fait beaucoup, beaucoup moins de morts. Il y a certains qui disent que la plupart des morts des Covid, c'est des morts politiques, quoi. C'est des morts dues à des décisions politiques, quoi. En Slovaquie, par exemple, dès le départ, ils ont confiné assez vite, mais ils ont obligé les gens à sortir avec des masques. Mais bon, là-bas aussi, beaucoup plus de gens savent coudre, quoi, parce que c'était le communisme, il y avait des savoir-faire qui sont encore présents. Et donc, il y a... À moins qu'ils nous mentent, je ne pense pas. Il y a 40 morts. 40 morts en Slovaquie. En Suède, ils n'ont pas confiné. Il y a beaucoup moins de morts. Alors qu'en Belgique, ils confinent et on est le pays qui a quasiment le plus de morts. Je veux dire. Et encore, il faut voir les statistiques. Qui nous donne les chiffres ? Si tu ouvres un journal, le site d'un journal comme La Libre le soir, tous les matins, il y a le nombre de morts, le nombre de sorties d'hôpital, le nombre de... Mais les gens flippent. Moi, j'ai des gens proches de moi intelligents qui sont dans une psychose permanente. Il te parle à 10 mètres. Voilà, ce dont on parlait aussi avant, c'est que on se rend compte à quel point les gens sont manipulables. Ça, c'était hors micro, tu veux dire. Hors micro, docile. Ça me fait peur, moi, vraiment, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'avec maintenant les masques, ça devient visible. On voit, hein, on voit les gens qui obéissent sans problème. Je te dis, comme je disais tout à l'heure hors micro, tu leur demanderais de mettre leur slip sur la tête parce que ça empêche le Covid, ils le feraient. Et tu vas voir les titres de la presse quand il va y avoir, par exemple, une réouverture des restos ou des trucs comme ça. Les titres de la presse vont être à vomir parce que ça va être retour à la normale. Mais retour à la normale avec L'apostrophe. Hein. L'apostrophe, la normale, parce qu'on a toujours été dans la normale. Cette société est totalement anormale, quoi. Donc, ouais. Mais donc, pour être dans le concret, quand j'ai posé la question, hein, oui, une société anti-productiviste, c'est un peu les exemples que tu donnes. Ouais. Donc, Non, mais c'est pour voir, parce que je ne sais pas si tu vois Nicolas Cazot aussi. Oui, il la partage. Ce type, il y va, claque, hein, et ça fait du bien. Évidemment, Ouais, que ça fait du bien, ouais. Et je trouvais qu'en Belgique, il manquait un peu ce claque. Je trouve ça un peu mou, moi. Bah, nous, on a quand même... Alors, nous, on est clash, mais... Nous, c'est... Bah, c'est Kairos. Oui, voilà. Kairos est déjà un peu plus claque, tu vois. Mais je trouve que dans le paysage... Alors, je ne connais pas tout, évidemment, mais les gens sont assez mous, quand même. Ah, quoi. Tu veux dire les gens? Ouais. Les gens, je veux dire, les gens... Les médias, les gens qui pensent, les intellos, ceux qui écrivent, c'est assez mou. Bon, la France est plus grande, il y a plus de monde, il y a plus de gens. C'est vrai que, par exemple, la critique des médias en Belgique, on est les seuls à la faire, et je dirais presque... Il y en a d'autres qui l'ont fait, mais à ce point-là, c'était très peu présent. C'est quand même, c'est incroyable, alors qu'il y a beaucoup à dire sur les médias en Belgique. Il y a une sorte de... Ils sont un peu mollassons, il y a quelque chose... et les intellectuels restent toujours dans les cadres acceptables et acceptés. Non, mais tu vois, entre l'écologie, l'économie... je crois que tu disais ça au début, hein, ces gens ont... On veut quand même profiter de ce capital, quoi. Mais dans dans ta société anti-productiviste, je dis toi, tu, vous, tu vois. Comment vous faites avec ce capital? Quel capital? Le capital... Puisqu'on dit que les écolos veulent quand même profiter de ce capitalisme, c'est-à-dire qu'ils veulent quand même... Allez, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Pas baisser le chauffage, être en t-shirt chez eux en plein hiver. Enfin, tu vois, ils veulent quand même... Ou bien mettre les chaufferettes comme ça pour boire un verre dehors en plein hiver. Si on passe progressivement à une société antiproductiviste, on va perdre du confort. Mais c'est quoi le confort? Voilà. C'est quoi le confort? Est-ce que c'est mettre un pull ou moins chauffer moins de pièces mais gagner en relations humaines et sociales? Il y a un avantage pendant ce Covid, c'est que par exemple les gens sortent dans la rue beaucoup plus maintenant, et que bon, les applaudissements de 20h que j'ai critiqué de nouveau, pas individuellement mais dans le dernier Kairos, parce que ça montre que c'est un peu, il n'y a plus que ça à faire. Mais bon, ils le liront, hein, les gens qui voudront le lire liront ma critique à ce niveau là mais c'est un avantage quand même collatéral. C'est que les gosses jouent en rue, il y a moins de bagnoles, et ils se rencontrent un peu comme c'était il y a 30, 40, 50 ans. Donc pourquoi je dis ça d'ailleurs? Parce que voilà, on perdra en confort, mais on gagnera en humanité tout ce qu'on a perdu. Les gens sont malades dans ces sociétés, quoi. Combien bouffent des médocs, combien n'arrivent pas à dormir. Et tout ce qu'ils nous proposent maintenant, c'est de nous foutre la 5G. Donc si maintenant les gens ne se réveillent pas, pour moi on est foutus, quoi. Si maintenant les gens ne se réveillent pas... d'ailleurs, cet événement d'un déploiement de la 5G pendant le confinement, c'est incroyable, quoi. Et on va aussi travailler sur la frigeuse à faim, on va aller les rencontrer, mais ça aussi, quoi. Ils sortent les bulldozers pendant le confinement, donc ils n'ont pas fini de travailler, quoi. C'est qui eux? Le pouvoir en place, les politiques. Et donc les politiques qui sont au service de la finance et du capitalisme, et donc tous ceux-là qui veulent mettre en place la 5G, ils bossent sec, quoi. Mais donc je repose, il n'y a pas de souci, hein, on avance comme ça, mais donc l'espèce de capitalisme, c'est-à-dire faire du profit, faire du bénéfice, profiter des gens, les pomper à mort. Vous faites comment, vous, avec ça? Comment vous basculez, quoi? On rêve, on imagine, hein, tu vois, comment dire... Mais pourquoi les capitalistes se sont toujours opposés à la réduction du temps de travail? C'est déjà une chose, je veux dire, les gens... Comment tu veux penser, réfléchir, faire ce qu'on fait? D'ailleurs, espérons que ça sera un effet positif du confinement. Si tu travailles 40 heures semaine, que tu as cet objet de propagande chez toi, qui est la télévision en permanence, dont t'aurais rêvé le plus grand dictateur. Donc il y a déjà des choses à faire. Il faut absolument... il faut dire, mais c'est de nouveau, il faut. Mais une réduction du temps de travail, annuler, supprimer tous les emplois. Pensons à tous ces boulots qui ne servent à rien, quoi. Mais quand on dit « il faut », moi, ce n'est pas le Dieu qui dit « il faut », c'est possible. C'est possible. Ce n'est pas une fatalité, quoi. On n'est pas dans un monde fatal. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est ce que disait Castoriadis par rapport à l'hétéronomie. Les gens considèrent qu'ils naissent dans une société où les institutions leur sont données par avance. un peu comme les croyances religieuses. C'est pour ça qu'on peut comparer notre société capitaliste, avec notamment le dû argent, à des sociétés religieuses. Mais non, les institutions dans lesquelles elles sont nées peuvent être démontées et changées. Oui, ça évidemment, les gens doivent le savoir. Mais c'est pour ça que. C'est parce que si on est trop peu à le dire, on est dans du il faut. Non, si tu as raison de souligner, on peut. On peut le faire et on doit le faire. Et de nouveau, il y a plein de solutions dont on pourrait discuter des heures, mais il faut d'abord. Il faut se mettre ensemble, quoi. Il faut casser quelque chose, j'ai l'impression, parce que sinon, on va toujours dans le même sens. Et toi. Il faut casser le spectacle, quoi. Mais bon, moi, si je suis seul avec les copains et tout, mais bon, je suis le seul à avoir ma carte de presse dans le groupe. Si je suis le seul à casser le spectacle, jusqu'où ils vont me permettre de le casser? Parce qu'ils peuvent devenir très violents, hein. Bon, on n'est pas à Malte où ils mettent encore des bombes en dessous dans les voitures des journalistes, mais on peut y arriver très vite. On peut très vite y arriver. Et les journalistes au pouvoir qui acceptent leurs conditions et qui se complaisent là-dedans, ils nous regarderont nous faire tirer dessus, ou ils tireront avec. Hein. Devant la conférence de presse du 24, les journalistes de RTL, RTBF, toute la bande, ils étaient ignobles. Hein. Ils étaient, je le rappelle, ignobles. Ils étaient ignobles. La stagiaire de Kairos est partie entre à la fois ou bien l'envie de leur démonter la tête ou bien de pleurer, quoi. Non, c'était vraiment dur, vraiment. Aucune confraternité, aucune solidarité. Bon, on s'y attendait, mais quand même, quand t'es dedans... Je crois qu'il y avait une association, la JP, là. La JP. Quoi, c'est du pipeau, mais quoi. Écoute, je peux pas trop en dire ici parce qu'on est en train de... Ouais, je crois que tout ça, c'est du... Oui. Ouais, écoute, je veux dire, quand tu sais ce qui se passe dans les médias et que ces plaintes n'aboutissent jamais ou que, voilà, oui, évidemment, c'est du pipeau. Il reste un petit peu de temps, allez, 10 minutes. On n'arrêtait pas, enfin moi, je suis hallucinée aussi de ça, c'est on n'arrête pas de dire, là, maintenant, l'après-Covid, ça va être le changement, ça y est, le changement va arriver. Mais je comprenais pas comment on pouvait dire une chose énorme comme ça, alors qu'il y a des gens qui se font tuer, comme tu dis, il y a des gens qui se battent tous les jours pour changer ce système, il y a des guerres qui se font, c'est qu'il y a vraiment une inconscience politique, quoi. Ouais. Ça, c'est mon avis, après, toi, comment tu vois la chose. Il faut quand même rappeler ce que disait Jean Ziegler, quoi, qu'un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes, quoi, et que c'est uniquement le fait, dire ça, je sais pas si c'est lui qui rajoutait, hein, mais on accepte de vivre avec cette situation qui est dans notre subconscient, et on la refoule et c'est vivable uniquement grâce à ça, parce que dire ça serait nos gosses. Moi, je me suis toujours dit, si on me fout en Afrique dans un lieu où les enfants crèvent de faim, pas à cause, dire à cause d'un système, hein, c'est ça. J'aurais envie de devenir terroriste, quoi. Donc je refoule ça, on refoule ça sans cesse. Alors le changement viendra après. Mais non, si on fait rien, c'est pire que ça. Ça va être le changement dans la continuité. Donc ils vont faire la même chose, mais en pire. Avec tracking, puce RFID, obligation vaccinale, contrôle de nos comptes. Il y a déjà les GAFAM, Google, Amazon, Facebook qui sont en train de bosser là-dessus, quoi. Quand on sait que par exemple, Bill Gates et Soros... Et Mastercard viennent de mettre en place un système pour accélérer la recherche sur le Covid. Mastercard, quoi. Donc, fini l'argent physique, quoi. Je veux dire, tout payé par carte, argent virtuel, école à la maison, et donc école numérique, ce qu'ils voulaient faire depuis une décennie au moins. Arrive à une vitesse VV prime avec, je viens de l'apprendre encore de quelqu'un, des directeurs qui appuient ça, des professeurs qui l'avaient accepté, des directeurs maintenant qui envoient à leurs profs qui vont bientôt revenir à l'école tout doucement, faire surtout du gardiennage. Vous allez devoir vous habituer à l'école numérique, il y a des choses qui vont changer. Ah ouais, vraiment ? Ouais, vraiment, c'est énorme. Parce que là on en parle, c'est vrai... que ça fait peur, hein, ça craint, on sent qu'il y a quelque chose dans l'air, mais on ne sait pas encore très bien quoi. Bah, disons qu'on dit souvent le capitalisme est en phase de disruption, donc il doit avoir un peu comme l'invention de la vapeur à l'époque, il faut un truc quoi, et tout ça c'est... Un truc nouveau tu veux ouais, dire? La 5G, les objets connectés, donc avec des millions d'objets connectés au kilomètre carré, et à côté de ça un discours totalement schizophrénique où ils nous disent qu'ils vont faire vers l'économie verte quoi, mais tout ça il faut arrêter quoi, il faudra choisir entre la vie ou la 5G quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin de tout ça. Et je crois quand même que beaucoup de gens sont d'accord avec ça, quoi. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte. Et d'ailleurs, je me dis que la lutte contre la 5G peut être un bon levier. Ce système-là, on n'en veut pas. Il va nous tuer, quoi. Il va nous tuer. Il faut lire Requiem pour l'espèce humaine, quoi. Ce bouquin qui montre où on en est. Lui n'y croit plus, d'ailleurs. N'y croit quasiment plus. Plus à quoi ? Qu'on va s'en sortir, mais aussi, il croit plus du tout au discours des politiciens, quoi. Il faut arrêter de... Et ça, c'est un truc qu'on trouve à gauche qui est incroyable. C'est, s'il vous plaît, monsieur, madame, les politiciens, aidez-nous, faites ça, vous vous rendez pas compte. Mais c'est eux qui se rendent pas compte, ils ont pas compris pourquoi ils sont là, quoi. Les gouvernements, les politiciens, sauf quelques exceptions... individuels et encore sont là pour faire durer le système, même le PTB, malgré que je trouve que Raoul Edebaut, Marco Vanès font des trucs très bien. Ils sont dans une logique où on doit maintenir le gâteau et mieux le partager, quoi. D'ailleurs, sur la 5G, ils sont pas hyper critiques. Voilà, sur l'exploitation du Sud, leurs solutions sont un peu ineptes. Voilà, ils sont enfermé dans une logique productiviste avec un meilleur partage du gâteau, mais ça va pas mieux, ça. Ça ira pas mieux. Il faut pas mieux partager. Il faut diminuer le gâteau et mieux partager. Pas uniquement mieux partager. Oui, ça, on en parle très peu de diminuer le gâteau. C'est hallucinant. Hallucinant, quand tu sais que les objets sont faits pour mourir, quoi. L'obsolescence programmée des objets, c'est quelque chose qui est inscrit dans leur ADN, quoi. On doit sans cesse consommer plus de trucs, quoi. Alors que, et ça, il y en a plein d'autres qui l'ont dit, et bien mieux que moi, mais alors que le fait que les objets nous perduraient, le fait qu'avant, t'avais un meuble ou autre chose, quoi, même un téléphone qui avait appartenu à ta grand-mère, ça te donnait un rapport à l'existence tout à fait différent. Mais non, le fait que les objets changent, durent, ça nous met dans une sorte d'angoisse permanente. C'est clair que le rapport aux objets est important, et c'est pas du matérialisme, quoi. Moi, j'ai un vélo que j'ai envie de garder toute ma vie parce qu'il a été fait par un type en Allemagne qui l'a fait main. Et voilà, j'ai envie que quelqu'un puisse continuer à rouler après moi, après ma mort avec ça. Et je crois que le rapport aux objets est très important et que maintenant, tout change très vite. Combien les jeunes changent de smartphone par an ? J'avais lu des trucs, c'est énorme. C'est 2-3 fois dire, les jeunes favorisés et même... Donc, Ouais. Mais en tout cas, ce qui fait du bien, c'est des gens critiques. Et puis, revenons au début de notre rencontre, ici, là, maintenant, dans le micro ouvert, pour parler de ton intervention lors du show, là. Ben, moi, j'ai trouvé ça génial que... tu sois arrivé à rentrer ouais. dans l'arène, on va dire, pour poser ta question, quoi. Voilà. On continue. On a quand même engagé une avocate qui est très chouette et qui est, au-delà d'être avocate, qui est très engagée socialement, donc qui croit en notre combat. Et là, on les met en demeure une deuxième fois. Mais qui ça ? Qui ça exactement ? Will Mess et les porte-paroles. Qui, faut-il le savoir, ne... répondent plus au téléphone, aux mails, ne répondent plus à rien depuis le un peu avant le 24. Ne répondent plus à rien. Donc là, on les a mis en demeure avec une amende salée, parce que peut-être qu'ils n'entendent que ça. C'est quoi le moteur, en fait ? Vous portez plainte contre quoi ? Pourquoi ? Entrave à la liberté de la presse. Ah ouais, pas mal. Entrave à la liberté de la presse. Ah oui, oui. Je crois qu'on les tient un peu, là. Parce que le fait que je sois rentré la première fois, ils sont mal. Parce que leur argument des poules, donc oui, mais il y a des tournants, certains journalistes rentrent. ils auraient pu, si j'étais pas rentré la première fois, ils auraient pu me le faire, mais personne ne l'aurait su, donc ça aurait pas été. Mais là, maintenant, quand ils le font, je veux dire, on balance cette info, il y a plein de gens qui disent ça, mais ils se disent, mais c'est quoi ce cinéma, quoi? Parce qu'ils peuvent refuser une fois, deux fois, trois fois. Mais s'il y a des poules et des tournantes, à un moment donné, je vais pouvoir rentrer. Et je vais, avec plaisir, reposer une question agréable à Madame Wimès. Génial. Qu'il faut-il quand même le rappeler, a dit dans sa première phrase, et ça c'est énorme parce qu'elle était évidemment totalement décontenancée, quoi, qui a dit, vous posez là une question politiquement biaisée, et ce n'est pas l'habitude des journalistes. Pour moi, cette phrase, elle est fantastique, quoi. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je m'attends à ce qu'on me pose des questions qui m'arrangent. En fait, il n'y a plus de questions. C'est plus des questions. C'est quand c'est un dialogue entre eux où ils savent ce que l'autre va dire et ce que l'autre va répondre. Les mots de la fin sur tout ça, qu'est-ce que tu auras envie? Tu as déjà dit pas mal de choses et tout ça. Hein. En tout cas, moi je dis, ça fait du bien dans le paysage bruxellois, Belgique. Voilà, le journal Kairos. Et c'est vraiment pas. Je veux dire, je pourrais tenir d'autres propos, hein, mais vraiment, moi j'aime vraiment bien ce journal. Ça me fait toujours plaisir quand je l'ai dans mes mains. Je fais, ah, Kairos, quoi, tu vois, parce que c'est du concret, c'est du terrain, il y a une analyse, c'est critique. Enfin voilà, tout n'est pas toujours Non. super, mais il y a quelque chose, quoi. Et en plus, tu sens une liberté aussi, tu vois, il y a pas, t'as pas de page de pub. Voilà, continuez, quoi. Mais j'espère juste que tu. On ne sait pas demain quel est ton trajet, que tu vas pas être récupéré Un peu de ou que tu chance. vas pas faire ton malin ou donner des Non. leçons aux gens parce que ceci, cela, quoi. J'espère que tu resteras comment humble, c'est pas? Ouais, mais écoute, jusqu'ici, je crois que non, ça me monte pas à la tête. D'ailleurs, je dirais, tous les gens dans leur milieu sont capables, milieu professionnel ou ailleurs, de faire des petits actes subversifs. Peut-être qu'il y a aussi une somme de petits actes qui peut mener à quelque chose aussi, tu vois. Parce que poser quelqu'un sur un piédestal et le mettre en héros, c'est une manière de soi-même se dire, j'ai rien à faire là-dedans. Mais il n'y a rien qui change en faisant des. Tu vois, c'est important. Il doit peut-être y avoir des porte-paroles ou des gens qui insufflent le truc, mais c'est plutôt ça que j'aimerais bien être. J'ai pas envie. On n'a pas envie Être de dire. gourou. D'être gourou et on est les seuls à pouvoir faire ça. Mais non. Combien de personnes pourraient ouvrir leur gueule, quoi? Je pense aux jeunes de banlieue, là, qui pourraient avoir des très bonnes techniques, peut-être plus efficaces que ce qu'ils font pour l'instant. Parce que c'est aussi formidable, quoi, qu'il n'y ait pas plus de. Bon, on n'en entend pas parler beaucoup non plus, mais. Qu'il n'y ait pas plus de révolte dans les banlieues en Belgique et alors en France, quoi. Bon, ça commence en France, mais ça continue. Par rapport à la violence de la police, quoi, leur racisme, je veux dire, ils doivent absolument s'organiser et faire quelque chose. Et d'ailleurs, je crois que ce qui s'est passé le 15, justement, c'est un peu transclasse, Le quoi, 15. interclasse, Ah quoi. oui, tu parles. Ouais, le 15 avril, la question qui était posée, je crois que ça plaît à des gens de tout âge, ou de tous âges, comment on dit encore. Et peut-être de tout milieu, et ça c'est important, tu vois. Ça parle pas juste aux classes moyennes. Ça, ça. Et donc, ouais, voilà, je dirais que les gens doivent. Non, j'ai récupéré. Bon, il faut jamais dire je ne serai jamais récupéré. Parce que ça, c'est les gens à RTL qui disent. Mais non, fatigué peut-être à un moment. C'est fatigant, quoi. Même si, comme je dis toujours, je suis pas dans les tranchées. Je suis pas dans la merde. Je risque pas pour l'instant de me faire buter, mais c'est fatigant quand même, quoi. Là, Kairos, ça fait quand même 9 ans, quoi. Donc voilà. Mais ça s'agrandit et il y a quelque chose qui se passe là pour l'instant. Ah, qu'est-ce qui se passe? Y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus de gens qui. On est peut-être devenu sur la scène médiatique une petite voix. Et là, on va pas les lâcher, quoi. Voilà. Merci, Kairos, Alexandre. Ben, merci à toi.